ce piano qui joue, c'est un air qui vaut pas deux sous. Même si ce monsieur Schumann est connu des mélomanes, moi je dis qu'une femme, ça fait pleurer mieux que des soupirs jetés sur du papier. Je vous dis qu'une femme, avec des mots, ça frappe au cœur bien mieux qu'une mélodie mineure. Vas-y, ça chiale, c'est du mou, pleurez grand, mais pleurez un coup. Et ça me touche comme une réclame qui fait danser les bananes. Et je dis qu'une femme, ça fait du mal, mieux que cette romance fatiguée qui s'étale. Papa Schumann, cette confiture qu'on aurait jetée contre un mur. Au fond, ton truc à la gomme qui s'étire comme du chewing-gum, c'est beau, mais y'a plus rien qui me console, ni tes soupirs, ni tes bémols. Papa Schumann, tu comprends ça? Les temps sont durs aussi pour moi.